Genau, 22:04 HR3 Radioservice. A7 Kassel-Hannover zwischen Derneburg und Hildesheim, Fahrbahnsperrung in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis morgen früh 8 Uhr. Dadurch in beiden Richtungen 2 Kilometer Stau. Umleitungsempfehlung für Verkehrsteilnehmer in Richtung Hannover, ab Derneburg die U25 und in Richtung Kassel ab Hildesheim die U52. DJ Dark in der HR3 Club Night. Durchsage in eigener Sache. Ich möchte mich hier von zwei Leuten verabschieden. Einmal Stein und einmal Bein von der Frankfurter Eintracht, die uns leider verlassen werden. Und also ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und Uwe, lass die Finger vom Bären und vom Walfleisch in Japan. Ne? Und wir sehen uns demnächst. rétrécissant sa selle sur le fer de son bus, il s'écoulait ses mots totalement plumés. Moi, je la laisse remis, je sais la science, je perds au fond d'un lit d'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins pris au fond, je fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voilet, la lune, le soleil, les ciels et les étoiles. Je suis mon cher savant, si d'autres vous l'écoutez, lorsque j'ai tout fait un âme à mes grandes beautés, et lorsque j'abandonne en morceaux à mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ce matelas qui se parle des noix, des anges aux impuissances d'un mer et pour moi. Quand des lues de mes os sucent de la moelle, et que languissamment je me tournais vers elle, pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une houte au flanc bruant, toute pleine de feu. Fermez les deux yeux de mon froid dégoûtant, et quand je vais m'ouvrir à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avancer une vision de sang, tremblement, profusément des débris de squelette, qui de même inventait le cri d'une girouette, d'une ancêtre, et de fer que balance la blanche. We'll be right back. Thank you. smooth. Thank you.